vous êtes assez fait passer. 89.1 Décidio de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 22 au 28 février 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin va de retour la semaine prochaine. Elle a congé aujourd'hui. Elle étudie en fait, donc on lui souhaite bonne chance pour son examen de ce soir. On a 3 heures ensemble pour passer à travers les 40 meilleures pièces de la semaine. 20 francophones, 20 anglophones. On va savoir d'ici la fin de l'émission si le numéro 1 francophone est toujours Paupières avec 5 heures sur leur album Jeunes Instants. Alors qu'en anglophone, on se demande si c'est toujours Mess Around par Cage the Elephant sur l'album Tell Me I'm Pretty. On va savoir ça d'ici la fin de l'émission dans 3 heures environ. Mais commençons par nos nouvelles entrées. On en a 4. 3 en franco, 1 en anglophone. C'est le contraire. La semaine passée, on avait beaucoup de pièces anglophones nouvelles et une seule en francophone. C'était Jason Bahala la semaine passée. Donc, on va voir aujourd'hui Medora, Rouge Pompier et Aaron en francophone. Alors qu'en anglophone, on entendra le retour du groupe You Say Party. Donc, ça s'en vient dans quelques instants. Mais commençons en 20e place avec le duo Aaron ou Aaron. Et sur leur album We Cut the Night. Voici Blouson Noir au Palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Solid rock, shopping. Nouvelle entrée. Nouvelle entrée. Je t'en prie. agis pour pas de la mort, pire plaise. Faut que tu contrôles cette angoisse en toi qui te cachale. Rappelle-moi, Jess Fush. Rappelle-moi pourquoi t'es pas là. Je Une nouvelle entrée de Medora, Une fille et son flanc gauche. Nouvelle entrée en 18e place francophone sur l'album Les Arômes. Medora, qui est un groupe de rock indépendant. Ça dit mélange savamment orchestré de pop audacieuse et de rock à la fois mélancolique et direct. Le son de Medora est difficilement qualifiable avec précision, ça c'est selon le groupe. L'attention omniprésente dans les textes aux forts accents poétiques entre réalité et abstraction est toutefois transposable à la musique de notre quatuor de rock indépendant francophone, alors que les guitares anguleuses et en constante interaction se superposent aux grooves variés et terre à terre de la section rythmique. N'est-ce pas un texte bien écrit, Medora? Donc le groupe de Québec. Avant ça, on a entendu Rouge Pompier avec Autobus sur l'album Chevy Chase, leur plus récent, fait leur prochain. Leur président s'appelait Kevin Bacon, groupe de rock de Montréal. Va être en spectacle le 22 avril au Club Soda, selon leur page Facebook, c'est pas mal tout ça. Sinon, leur prochain album, Chevy Chase, va être disponible à partir du 18 mars. Voilà. Avant, on a entendu You Say Party, les anciens de You Say Party, We Say Die. Ironiquement parlant, un des membres du groupe, si je me rappelle bien, est mort. Donc c'est sûr qu'on a changé de nom. You Say Party avec leur album du même nom. Leur pièce s'appelle Ignorance, un groupe qui existe depuis 2004. Et puis c'est un groupe qui vient de Abbotsford, Vancouver présentement. Ouais, Abbotsford, on se rappelle évidemment, tout le monde sait ça, que c'est en Colombie-Britannique. Ben oui, voilà. Donc, You Say Party. Et au tout début du bloc, c'était Aaron, un groupe de France, avec Simon Buret et Olivier Coursier. Selon leur page Facebook, les nombreuses certitudes qui courent au sujet de Aaron, on en gardera qu'une, la complicité entre les deux membres du groupe. Unique, entre autres, dans son refus de se répéter, dans son désamour des conventions, fort de l'engouement national et d'une reconnaissance internationale amplement méritée, disent-ils. Le tandem a donc pris le parti de se réinventer et s'apprête ainsi à offrir, en 2015, okay, un troisième album sombre et véhément, d'où émerge une électropop drapée dans un clair-obscur saisissant. AaronOfficial.com, AaronOfficial.com. Voilà, et leur pièce, encore une fois, s'appelait Blouson Noir sur l'album We Cut the Night. Voilà pour les nouvelles entrées, c'est tout, et on arrive juste à temps à la fin de la chanson de fond. Hein? Et voilà pour le bloc Palmer, rest in peace! Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Vas-y, pour marcher demain. Moi, j'arrête ici. On dit on va être à la main dans les poubelles de l'épicerie. Lance la chambre. Lance la chambre demain. Lance la chambre. Lance la chambre demain. Lance la chambre demain. Lance la chambre demain. Un tour bus, bébé, j'ajoute la tourne au ballon, j'en retourne au Starbucks. Living on a road, booty naked dans un car wash. So fresh, so clean, bitch, ta cousine était starstruck. Ça fait qu'on frappe le hit parade. On célèbre ça, hiking back, pis une douche de Gatorade. Homie, got the juice, we be sipping Tanqueray. Cause everyday my birthday, hip hip hip parade. Yeah. très court bloc Palmer Rest in Peace. C'était nécessaire des pièces qui ont quitté les palmarès depuis l'édition du 15 au 21 février 2016. On a débuté avec Faudrait faire la vaisselle, qui est parti avec l'eau du bain, avec Lâche ta job. Oh, qui s'est fait renvoyer, c'est bon. Qui s'est fait renvoyer avec Lâche ta job qui a duré cette semaine. Ensuite, Baden Baden, ça a fait à peu près ce son-là quand ça, c'est, quand ça tombait les escaliers. Baden Baden, avec Hiver, qui a duré 8 semaines. Dead Obies. Les funérailles sont annoncées pour Away, qui a duré 8 semaines. Et Dilly Dally, Colin, s'est fait désirer, mais très peu de temps. C'est comme un genre de... comment t'appelles ça? Un petit kick passager, Desire. Ça a seulement duré 3 semaines. On lui a pas laissé grand chance à cette deuxième pièce de Dilly Dally. Voilà pour Palmer Rest in Peace. On fait ça en début d'émission, juste après les nouvelles entrées. Maintenant, ben, c'est le moment de sauter par-dessus les choses. Donc en anglophone, on saute par-dessus les 19 et 18 pour l'instant. Grimes descend de la 14e avec Flesh Without Blood en 19e place. Et en 18e anglophone, ça descend de 8, The Noble Thieves avec Give Him Hell. On saute rien de plus que ça. Comme je suis seul aujourd'hui, on risque d'avoir pas mal de temps pour jouer bien les choses. Donc allons-y avec les positions numéro 17 en anglophone. Kurt Vile avec I'm an Outlaw qui descend de 6 places. Mais avant ça, voici Midi Cayenne Club qui descend de la 14e, 7e semaine de présence. La pièce Pigeon Voyageur au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou! Au cœur des plantes qui poussent, aux yeux du temps qui passe, devrons-nous avouer à la fin de nos jours avoir manqué d'audace? La lueur de nos ardeurs, le soleil de nos amours, à quand le souvenir de notre éternel retour? Le quotidien nous égare, que le printemps se prépare. Ne sommes-nous pas seulement que des vaisseaux de peau qui écoutent le vent? Nos mots sont des sons qui vont loin, mais qui n'expliquent rien. Ainsi les poèmes meurent d'envie de se lever dans nos mains. Please. êtes à Sifu 89.1. 17. Et la pièce I'm an Outlaw qui descend de 6 places en 17e anglophone. Avant, on a entendu Medicaid Club et Pigeon Voyageur qui descend de la 14e, 7e semaine de présence pour cette pièce sur leur album. Oui, Medicaid Club, j'ai remarqué en fait qu'on disait Medicaid depuis quelques temps. Par contre, j'ai vu une publicité de cette personne-là pour le CCPJ, le Centre culturel Pauline Julien, qui s'est marqué Medicaid Club. Fait que je sais plus quoi faire. Est-ce que c'est Medi, est-ce que c'est Medicaid Club? Bref, c'est un artiste qu'on aime quand même, peu importe son nom. Hein? Donc, prochain bloc, on va faire un bloc 3 quarts. On va sauter par-dessus la Valérie, qui commence à dater là, cette semaine, elle aussi, les enseignes au néon et le nom de la pièce. On va entendre dans le bloc Jason Bajada, une nouvelle entrée de la semaine passée. Même chose pour Daughter dans quelques secondes. Il y aura entre les deux Deer Hunter. Mais commençons avec Daughter et la pièce New Ways qui monte seulement de 3 places sur l'album Not to Disappear. Ça se passe maintenant dans les palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir au 89.1 FM. Here, I'm trying to get off, find a subtle way out. dépit des circonstances. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, à qui la chance? En dépit des circonstances. Ah, les amitiés. Lorsqu'on est tanné, ah, les amitiés. 15. Christ. What credit? What's the price? What's the edit? I'm alive. I don't credit the source. I just drive. Position numéro 15 anglophone, ça descend de deux places, la pièce Breaker sur l'album Fading Frontier. Avançant en 15e francophone, c'était Jason Bahada et Pékin, Les Amitiés, qui montent de 5 places, nouvelle entrée de la semaine passée sur l'album Volcano. Avançant en 16e anglophone, Daughter avec New Ways, qui monte de la 19e place, nouvelle entrée encore une fois de la semaine passée. Et on a sauté par-dessus La Valérie avec Les Enseignes au Néon, parce qu'elle est là depuis 7 semaines, et ça descend de 3 places en 16e francophone. Voilà pour ce bloc des 16 et 15. On va s'écouter seulement les positions 14 ensemble, donc on fera pas de bloc énorme parce qu'on est presque arrivé à la fin de l'émission. Donc en anglophone, ce sera Minotaurs avec Gold Rush Lady qui monte de 4 places, c'était nouveau la semaine passée. Il y en avait beaucoup du côté anglophone, des nouvelles entrées la semaine passée. Alors qu'en francophone, c'est Les Revenants, voici, ils t'appelleront par ton nom, ça descend de 10 places au palmarès, c'est fou. Sur le 89.1 FM. Pour parcourir ce vieux monde. C'était la pièce Gold Rush Lady par Minotaurs. En 14e position anglophone, ça monte de 4 places, nouvelle entrée de la semaine passée. Et avant ça, les revenants avec Ils t'appelleront par ton nom, qui est là depuis 4 semaines, mais qui vient de descendre de 10 places, malheureusement, sur l'album Épouvantail. Maintenant, on saute par-dessus plein de choses. On saute par-dessus les 13, 12 et 11 de chaque bar. Donc en anglophone, on retrouve King Gizzard and the Lizard Wizard avec The Bitter Boogie, nouvelle entrée de la semaine passée. En 12e, stable Back Down de The Sheepdogs. Et en 11e, ça descend de la 5e, This Is Why de Reversing Falls. En 13e, francophone, ça descend d'une place Joe Dassin de Bruit Noir. En 12e, ça descend d'une demi-serpent de Hidalgue. Et finalement, en 11e place, on saute par-dessus Muffin Top, lancé numéro 3 des Amis au Pakistan. Voilà, c'est la fin de la première heure des Palmarès Sifo. On se retrouve pour une deuxième heure dans quelques instants. Là-dedans, on va entendre entre autres les Hôtesses d'Hier et leur nouveau classique Fait Faillite. Il y a aussi Mordicus, Eddie Cramp, Le Matos, Uburu et David Bowie. Dans la deuxième heure des Palmarès Sifo, restez avec nous. C'est assez fait. Deuxième heure des Palmarès Sifo pour la semaine du 22 au 28 février 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin va de retour la semaine prochaine. Elle est en congé aujourd'hui. En fait, elle prend congé pour étudier pour l'examen qu'elle a ce soir. Donc, encore une fois, bonne chance à elle. C'est la portion top 10 de l'émission. On commence avec les 10e places, bien sûr. En anglophone, on retrouve Uru avec Cosmic Cannibalism. Oui. Et non pas Cannibalistic Cosmical. Ça descend de 6 places en 10e anglophone. Et en francophone, ben, c'est les Hôtesses d'Hier, ceux qui crient fait faillite. Parlant en 3 minutes, ben, c'est belle fun, les Hôtesses d'Hier. Elles sont stables, par contre. Donc, c'est ni une bonne nouvelle, ni une mauvaise nouvelle pour les Hôtesses d'Hier. Voici fait faillite. Au palais, c'est fou! 89.5. Êtes-vous réveillé au beau milieu de la nuit en panique? Le poids de vos dettes qui vous hante jusqu'à dans votre sommeil? Le fardeau fiscal tourne vos rêves en cauchemar? Voulez-vous être heureux comme moi? Toujours souriant, libre comme un oiseau? Ben facile, y a juste 5 étapes à suivre. Étape 1... Avez-vous déjà sorti avec une fille trop belle pour vous, avec des goûts dispendieux? Une belle femme, avec tout son avenir devant elle. Des voyages dans le sud, des restos trop chers, des sacoches avec des prix qui se peut pas. La carte pis la marge de crédit, renée dans le rouge. Elle est partie avec un docteur, pis vous sauvez de vos créditeurs. C'est facile, suivez les étapes. Dites-moi pas que vous avez travaillé à Fort McMurray. Vous avez le truc de l'année, la grosse cabane sur le bord de l'eau, le skidou, le 4 roues, la roulotte, le bateau. Vous avez pas un, pas deux, mais 3 pressure washers. Pis là, le prix du pétrole a chuté. Pis ça fait longtemps que vous avez pas vu la lumière au bout du tunnel. Des consommateurs compulsifs. C'est la roue de l'économie. Consommer, consommer, consommer. Encore plus, encore plus, encore plus. Pour pas que la roue arrête de tourner. Des algorithmes qui vous ciblent, qui vous bombardent de publicité à chaque fois que vous tournez la tête. Ils ont créé de la demande pour des faux besoins. Vous êtes des victimes, victimes du système. Faites control out the lead sur votre vie. Je sais pas moi, faites un pomme Z et faites faillite. Passez le fardeau aux autres et faites faillite. Pour seulement 5 paiements faciles de 0$, vous pouvez faire faillite. Le système vous a fourré, ben fourrez le système. Un gros bloc bien plein. Qui se termine avec le matos et Eyes, Throat, Genitals qui descend d'une place en 9e anglophone. Avant ça, Mordicus avec Granville qui est stable. Avançant en 10e place anglophone, Uburu et Cosmic Cannibalism qui descend de 6 places en anglophone. Et on débutait avec la 10e Franco qui est stable, Les Hôtesses d'Hilaire avec Effet Failleton. On continue tout de suite en 8e place en anglophone, David Bowie avec Tis a Pity, She Was a Whore. Mais tout de suite, voici Eddie Krumps avec Viens me voir cette nuit qui descend de 2 dans les palmarès, c'est fou, au 89 FM. Cette nuit, si tu m'entends penser, viens me voir cette nuit. Tu n'as pas besoin d'invitation tant que tu captes le truc. Viens me voir cette nuit, hier s'en est allé encore. Et là, moi, je me disais que ça pouvait le faire. Très tard, je ne me sens pas trop cassé. Viens me voir cette nuit, viens partager mes rêves. Le quotidien me tue. Viens me voir cette nuit, je sais que tu y as pensé avant. Et là j'attends que tu frappes à ma porte. Thank you. me like a dude. Hold your man as I cry. 'Tis a pity she was a fool. 'Tis my fate, I suppose. For that was patrol. That was patrol. 'Tis a pity she was a fool. David Bowie, 'Tis a Pity She Was a Whore, position numéro 8 qui monte de 8 en position anglophone. Donc, c'était une nouvelle entrée la semaine passée sur l'album Black Star. Avant ça, en 8e franco, on a entendu Eddie Cramp avec Viens me voir cette nuit qui descend de 2 places. Et de son côté, c'est sa 4e semaine. En 7e place anglophone maintenant, déjà, oui, on monte beaucoup, je sais, la moitié de l'émission est faite. Tantôt, on va voir le bloc C'était fou qui s'en vient, on va retourner en 2011. Donc, 7e position anglophone, Baja Bullet avec Infamous qui descend de 1 et en francophone, ça monte de 10 places, oui. Ça va bientôt quitter les palmarès, faut s'y faire. Ça fait 9 semaines que c'est là, voici le Husky. Et dans la neige, au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou.

Raja Bolaté, Infamous, descend d'une place en 7e anglophone et avant c'était le Husky est dans la neige qui monte de 10 places, c'est là depuis 9 semaines. Tout à l'heure, il nous reste les 6e dans cette portion de l'émission, Ariane Zita et Cage the Elephant, mais avant ça, on retourne en arrière, voici C'était fou. Et cette fois-ci, on recule à la semaine du 14 au 20 février 2011. could do to the stars. Save the savers of them as me. Are we still what we thought we could be? Save the savers of living dreams that started to burst at the seams. Save the savers that don't wanna know that it's time to let this thing go. Dark. Wellington. C'était le bloc, c'était fou pour la semaine du 14 au 20 février 2011. Si vous voulez connaître mes goûts musicaux, et je sais que c'est pas le cas, là, mais si, mettons, vous vouliez, c'est pas mal les deux dernières. J'adore ce petit bloc. Donc, on a commencé par le numéro 1 francophone, bon, Les Incendiaires avec Amande Immeuble. C'est bien cool. Sur la compilation francouverte.com, 15e édition. Ensuite de ça, c'était le numéro 1 anglophone par Wolf and Cub, la pièce 77s. Je connais pas tant que ça le groupe Wolf and Cub, mais j'adore 77s, c'est un de mes préférés de l'histoire, sur l'album Science and Sorcery. Et finalement, c'est une pièce bonus que moi j'ai choisi. C'est un de mes groupes préférés que j'écoute encore aujourd'hui. Donc Tokyo Police Club avec End of a Spark sur l'album Champ. Et ça, vraiment, c'est excellent. Tokyo Police Club. C'était le bloc, c'était fou, donc pour la semaine du 14 au 20 février 2011. Il nous reste assez de temps dans cette deuxième heure de l'émission pour entendre les numéros 6 de nos palmarès pour cette semaine, donc dans le présent, en 2016. En anglophone, ce sera l'ancien numéro 1, Cage the Elephant, avec Mess Around. Oui, oui, on a un nouveau numéro 1 anglophone, alors qu'en francophone, ça monte d'une place. Voici Ariane Zita et Émile Nelligan. 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou! Ce soir, quand la nuit sera noire à la statue d'Émile Nelligan, ça serait quand même pas pire que les secondes qu'on étire s'accumulent dans tes yeux ce soir et dans les miens, il me semble, avant que la nuit ne tombe. Rejoins-moi tard ce soir, je te trouve beau et puis tu me trouves belle. On a le regard de deux hirondelles. Quand la foule va rentrer chez elle, on se retrouvera dans ta ruelle. Ça serait quand même pas pire que la lumière de la rue s'accumule dans tes yeux ce soir et dans les miens, il me semble, avant que la nuit ne tombe. Rejoins-moi tard ce soir. Une de nos pièces préférées à Assemblage Rocky, Cage the Elephant avec Mess Around, qui descend de la première place maintenant à la sixième. Mais en anglophone, Ariane Zita avec Emily Lilligan qui monte d'une place sur l'album Oui, mais non. Voilà pour la deuxième heure des Palmarès Sifou. On se retrouve dans quelques instants avec le top 5 et on va savoir d'ici la fin de l'émission si notre numéro francophone est toujours paupière avec 5 heures, alors qu'en anglophone, on sait déjà que ce n'est plus Cage the Elephant. Alors, qui est au sommet? La réponse au retour au Palmarès Sifou. Restez là. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait. 3e et dernière heure des Palmarès Sifou pour la semaine du 22 au 28 février 2016. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et Tania Baudin a toujours congé cette semaine et va être de retour la semaine prochaine. Elle étudie pour un examen qui a lieu dans moins d'une heure. Deux heures. Il est quoi là? Il est quelle heure? Il est 5 heures. Ouais, dans deux heures. Tania, bonne chance. Bon examen. Elle écoute pas, elle étudie. Elle est sage. Le nombre de gens que j'ai vu aujourd'hui étudier avec leur téléphone cellulaire et des vidéos YouTube à côté. Mais bon, hein? Donc, numéro 5, c'est ce qui débute notre troisième heure. En anglophone, on retrouve Metric avec Celebrate qui monte de 15 places. C'était nouveau la semaine passée et c'est tellement bon sur l'album Pagans in Vegas, mais on débute en 5e francophone. Ça monte de 3. Voici des questions de mon nom Serge. C'est pareil comme un examen, et Colin, faut penser à ça. 1, 2, 3. Je lance des tonnes comme des bouteilles à la mer houleuse. Et je ne sais pas toujours sur quelle rive douteuse. Les courants capricieux vont les faire aboutir. Qui va les rejeter à l'eau? Qui va les ouvrir? Sous ma fenêtre, attiré par les odeurs de ma cuisine, voici qu'un troupeau de hyènes qui ricane s'agglutine. J'ai plein de nouveaux amis que je n'avais pas cherchés. Et leur gloussement me plonge dans la perplexité. Si les chevilles brunes épousent ta cause, pose-toi des questions, je m'en pose. Voici l'interminable défilé des religions. Il dure depuis des millénaires, sans interruption. Voici l'esprit critique qui tombe dans les vapes et qui fait place à des rêves remplis d'imams et de papes. Comment tirer de tout ça? Matière à plaisanterie, sans écorcher ceux qui croient en ces saintes niaiseries. Comment s'en moquer sans que ça donne des munitions à ceux qui voudraient les chasser à coups de bâton? Si les fachos partagent tes posts, pose-toi des questions, je m'en pose. C'est plus fort que moi, j'aime planter ma tente au milieu des champs de mines et sur les pentes glissantes. Le carré de sable où je déploie mes bébelles, j'ouste la ligne entre l'acceptable et le libelle. Mais on s'est donc pourri de chariots et de chartes. Ça se corse pour les fabricants de farces. Mon général, au vu de la situation, nos troupes doivent-elles encore tenir leur position? Quand les SS rient de tes jokes, pose-toi des questions, j'm'en pose. J'm'en pose. Ouais. Si les rednecks savourent ta prose, pose-toi des questions, j'm'en pose. 5. I'll be standing tall when you call. I'll be at your side. Don't even think of giving in. Though all your fears keep creeping into your mind. Even the dark.

Paperkites, Renegade, position numéro 4 anglophone, ça monte la 9e, 6e semaine de présence sur l'album 12-4, et avant ça, c'était Les Connards à l'Orange, avec une pièce qui monte de la 16e quand même, le magasin des choses utiles. Mm-hmm. En 3e place, du côté anglophone, on retrouve Etou Broussé. On aime beaucoup dire Etou Broussé, on aime la pièce aussi, même que j'ai dans la tête pas mal de ces temps-ci. Faisons-la jouer une autre fois pour que je l'ai encore plus dans la tête, c'est comme ça que ça fonctionne, les palmarès, c'est fou, c'est quasiment gossant. Donc, Etou Broussé avec Hey Blue qui reste stable en 3e place. C'est un simple de leur prochain album. En francophone, c'est Pandaléon qu'on écoute. Et ça descend d'une place. Voici Retour dans les palmarès, c'est fou. Sur C'est fou. 89 FM. Thank you.

adore life. I adore life. I adore life. I adore life. I adore life. Deuxième et troisième place, on vient d'entendre en deuxième anglophone Savages avec Adore qui monte de 13 places. C'était nouveau la semaine passée avant Paupières avec l'ancien numéro 1 5 heures qui est là depuis 5 semaines, mais cette fois-ci en deuxième place francophone. Avant ça, en troisième anglo, c'était Stable et tout Bruce avec Hey Blue qui est là depuis 5 semaines et on a débuté avec Pandaléon et Retour qui descend d'une place sur l'album Atone. Voilà! Et il nous reste seulement les numéros 1 à entendre et tout ça, ben c'est ton retour. Hein? Toujours dans les Pommes à la Cifou pour la semaine du 22 au 28 février 2016. Il nous reste seulement une demi-heure ensemble et c'est le moment de passer au numéro 1. Oui, on a beaucoup de lousse à la fin de l'émission d'aujourd'hui parce que Colin, je suis seul aujourd'hui à l'émission. Donc, numéro 1 veut dire jeu de mon poche et ça veut dire que je vais devoir les expliquer moi-même étant donné que je suis seul. Ne vous en faites pas, je ne vais pas vous laisser dans le brouillard, dans les, dans le désordre, dans la brume des affaires. Je ne suis pas... Je sais que je suis un fin... c'est quoi l'animal déjà qui est fin? Fin comme un... on appelle ça un lapin. Fin comme une feuille de papier, comme une patate chip. Non, non, fin comme un renard. Mais pas n'importe quel renard. Un white power renard. Un Ku Klux Klan renard. Un renard blanc, qu'on appelle. Hein? C'est pas mon genre de faire des blagues de race, mais à un moment donné, hein, c'est dans le titre. Hein? Je sais que les rois, ou les, l'empire onirique, verraient ça d'un mauvais œil, moi-même en faisant partie de cet empire onirique. Mm-hmm. Du côté anglophone, que vous soyez dans le noir ou à la lumière, peu importe que vous soyez à l'extérieur ou à l'intérieur, en ce moment, dépendant de quand vous nous regardez, en fait, quand vous nous écoutez, c'est pas encore rendu visuel, il y a une chance à un moment donné, mais peu importe que vous soyez dehors ou à l'intérieur, que vous soyez jeune ou vieux, que vous soyez ami ou ennemi, tout est là pour vous, on vous inclut dans les Pommes c'est fou, on est très ouvert, à bras ouverts, voilà. Et là, c'est le moment où je demanderai à Tania, mais s'il te plaît, explique-nous ça. Et elle, de son ton sérieux et d'enseignante, de jeune enseignante, hein, de jeune femme de marketing, en fait, parce qu'on sait qu'elle est en train d'étudier pour son test de marketing ce soir, elle nous expliquerait que l'artiste est Renard Blanc, en francophone, Renard Blanc, avec sa pièce La Brume, sur l'album Empire Onirique. Hein? Alors qu'en anglophone, c'est Young Rival, avec une pièce de l'album qui s'appelle aussi Interior Light. Donc, la pièce et l'album s'appellent Interior Light. Voilà, je pense qu'on comprend à peu près tout. Lumière intérieure, jeune, vieux, rival, ennemi, Young Rival. Ouais, c'est un peu plate quand je suis seul pour les faire, les jeux de moi. Mais bon, hein, c'est ma job de le faire, donc les voilà dit. Écoutons-les. Young Rival avec Interior Light en anglophone et en francophone tout de suite, voici Renard Blanc et La Brume. Dans les palmarès, c'est fou sur le 89.1 FM. Après ça, ben, on va avoir comme 20 minutes pour passer des pièces qu'on a sautées. Party time! Okay, alright, hit me into Formation numéro 1 pour la semaine du 22 au 28 février 2016. On vient entendre Young Rival avec Interior Light qui monte d'une place, 6e semaine de présence sur l'album du même nom, Interior Light. Et en première francophone, juste avant, c'était Renard Blanc et La Brume qui monte de 4 places sur l'album Empire Onirique. Voilà pour les palmarès en gros pour la semaine du 22 au 28 février. Il nous reste encore une vingtaine de minutes, pareil comme j'avais prédit tout à l'heure. Donc allons nous écouter un petit bloc de pièces qu'on a sautées. On va entendre les 13e places ainsi que la 12e anglophone. Donc plus tard, il y aura The Sheepdogs ainsi que King Gizzard and the Lizard Wizard. Mais commençons en 13e place francophone. Ça descend de une, il n'y a pas beaucoup de mouvement pour cette pièce-là. C'est pas une pièce qui fait un gros tabac pour le début. Mais bon, on va lui laisser le temps quand même. Voici Joe Dassin par Bruit Noir. 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Petite chatte ensemble qui dormait sur l'épaule. Mais plus de tendresse avec cet animal en une seule après-midi qu'entre toi et moi si on était restés collés ensemble toute une vie. Tombé dans le passé, dans la tête, on est tombé. Tombé dans le passé, tourne la tête, dans la on est tombé. On est tombé. Un jour t'avais dansé parce que t'étais contente. Une autre fois tu m'avais dit que j'étais drôle quand. Quand je fumais, mais moi je crois que j'étais drôle tout le temps. C'est juste que toi tu t'en rendais compte que maintenant. Tant de vie dans le passé. Oh, tant de vie dans le passé. Je crois que on s'aimait pas trop. Tout simplement. C'est bête. Non, je crois qu'on s'aimait pas trop. Tout simplement. Ouais. Dans le passé, on tourne la tête, on est tombé. On tombe vite dans le passé, on tourne la tête, on est tombé. Oh, je me souviens de rien en fait. Qu'on n'était pas fait pour vivre ensemble, comme dit Joe Dassin. Qu'on s'est aimé un an presque, mais que c'était pas vraiment l'été indien. Et qu'on s'aimera pas pendant un siècle, pas une éternité, non. Alors, on tombe vite dans le passé, on tourne la tête, on est tombé. On tombe vite dans le passé, on tourne la tête, on est tombé. Un siècle, on tombe vite dans le passé, une éternité, on tourne la tête, non. On tombe vite dans le passé. La tête, on est tombé. Tombé dans le passé, dans la tête, on est tombé. Tombé dans le passé. Be the Back Down par The Sheepdogs, stable en 12e position anglophone. Avant ça, The Bitter Boogie avec King Gizzard and the Lizard Wizard qui monte de la 17e place, mais entrée la semaine passée. Et on a débuté avec Joe Dassin de Bruit Noir qui descend d'une place, donc en 13e francophone. Voilà, c'est tout pour les palmarès assez fous pour la semaine du 22 au 28 février 2016. On se retrouve toujours en direct les mardis entre 15h et 18h. Après nous, à 19h, c'est réanimation, émission de métal et d'horreur. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Après nous, c'est Skypunka avec du punk rock. Et finalement, les dimanches entre midi et 15h. Après nous, c'est palmarès du monde. C'est fou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine. Moi, c'est Mathieu Plante. Et on se quitte avec une dernière pièce qu'on a sauté précédemment. C'est la 12e position francophone. Ça descend de une. Ce sera Hidalgue, ils dansent avec les genoux et leur pièce demi-serpent. On se retrouve la semaine prochaine, mardi 15h. Bonne semaine, bye bye. We'll be right back.